Ouais, ok. Boule de nerf, yo. 2010. J'ai fait mes preuves, en commençant par Killa Concept. C'était l'époque, la première gorgée et du joint sum. Demande à Sense si la ville était sur notre échelle. Première secousse au Charlemagne, voici la première scène. Ah, l'époque où ma casse place, c'est l'époque où Medidi te bouffait sur un 16 couplet. C'était l'époque, la troupe, l'époque du gros souk. L'époque où Manitou pouvait te monter en l'air et ça sent Manitou. C'était l'époque, des faits divers dans le journal. L'époque où Moulin Roux, on crée tous Kickers Pouka. Tu te rappelles de cette époque? La vie de ma mère, c'était nous les boss. Demande à la ZAC et puis à la cité. Moulin Roux en force, aucun d'entre eux pouvait tester. L'époque où les cache-cache faisaient avec la BAC. L'époque où Porcier et Bebouna, on a cramé une gova. Tu te rappelles de cette époque, hein? On foutait la merde dans le nord là, hein. Tu te rappelles l'époque où Nabil Sonda, c'était Marocchino. Et on était mordus, hein? Ok. Tu te rappelles aussi l'époque, hein? Où FF faisait la misère. Ils nous ont durcissé dans la cage, hein? La cage numéro 11. Ah, nous force à boire. Ah mais c'était la bonne époque ça. Et l'époque du Big Killa, tu te rappelles aussi? Tu te rappelles comment la merde à la patinoire aussi? Ah Manu, avec DJ Mille. Y'avait moi, y'avait toi, y'avait Jojo. Y'avait Boris, y'avait Boileau. Y'avait de temps en temps Alexine et tout. Y'avait qui encore? Y'avait Yvette de temps en temps. Y'avait Najwa. Ça c'était bien ça. Rappelle cette époque là, on foutait la merde. Tu te rappelles la soirée qu'on avait passé à la singerie? On s'est embrouillé avec les skins et tout. Et on est rentré avec des mecs de Paname parce qu'ils nous avaient fait une embuscade, des bâtards. On était rentré à deux voitures, on était au moins 15 dans les deux voitures. Oh putain, on avait flippé sur la trappelle, hein. La vie de ma mère, on a cru qu'on allait mourir, je suis là. Ouais. Juste pour dire, je peux pas certaines personnes comme Jamel, Farid, Johan, Evie, okay. Raphaël, Mickaël, Jojo, Morgan, Guillaume Boin, Junel Marseillais, Piston, Média Andy, FF, Sala Léger, Faouzi, voilà, quelqu'un à l'ancienne. Moulin Roux, t'inquiète, like. Cache numéro 11. Alors négro, tu prends ton pied avec ma cassette, hein? Ouais, j'avoue que c'est cool cette corde. Ouais, négro. Mais quand même, okay, ouais. T'aurais mieux fait de me brancher sur ce coup-là, mec. Je t'aurais fait ça bien. Je t'aurais fait ça bien. Je t'aurais fait ça bien. Je t'aurais fait ça bien.